C'est pourquoi prenons le temps vraiment de prier ce soir. Et nous prendrons le temps de prier ensemble. Mais avant de commencer, il y a un passage qui me vient à l'esprit. Dans Esdras, chapitre 10, verset 4. Esdras, chapitre 10. Estra, sura ki akumi. Le verset 4, est-ce qu'on peut nous mettre ça? Esdras, chapitre 10, verset 4. Nous allons lire pendant que nos techniciens ne sont pas encore en prière avec nous. Nous lisons la parole de Dieu. Lève-toi. Car cette affaire te regarde. Lève-toi. Si mama, car cette affaire te regarde. Sababu, imambo, na wena kuangalia. On a parlé à Esdras. Balisema na Esdra, qui était le chef d'Israël. Yerikuwa mkubwa wa Israeli. Mais au lieu de travailler, il a commencé à pleurer à cause du problème. Et le problème dont il était question, c'était le péché. Israël a épousé des femmes étrangères. Alors Esdras a commencé à pleurer. Non, vous avez mal fait. Ça ne doit pas se faire comme ça. Dieu n'est pas d'accord. Il a commencé à pleurer toute la journée. À un moment donné, le peuple va le suivre. Il dit, mais monsieur, lève-toi. C'est toi qui dois conduire les choses. Lève-toi. Cette affaire te concerne. Nous, nous serons avec toi. Prends courage et agis. Dieu dit à quelqu'un ce matin ou cet après-midi, il y a deux moments dans la vie. Il faut se lever. Nous devons nous lever. Ce n'est pas Dieu qui fera ce travail. Enlevons dans nos têtes qu'il faut que Dieu descende. Dieu a confié la responsabilité à l'homme. Il a dit que nous sommes des dieux. C'est pourquoi il nous a laissé la gestion de la terre. Il y a un évangile des enfants et un évangile pour les grandes personnes. Quand on est enfant, on dit non, omba Mungu atakutunza. Omba Mungu atakutunza. Mais quand on grandit, on médite la parole de Dieu, Dieu dit, guérissez les malades. C'est plus l'affaire de Dieu. Guérissez les malades. Je prie le Seigneur maintenant qu'on enseigne des os, pas du lait. Corinthiens 13:11. Je donne l'essentiel avant que je ne donne le message. Regardez ce que la Bible dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ce n'est pas Dieu. C'est moi. Je fais disparaître ce qui est de l'enfant. C'est pourquoi, à un moment donné, nous devons enseigner ces choses à l'église. Non, Seigneur, ils n'ont pas à manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais nous passons le temps. Papa, Seigneur, papa. Seigneur. Non, c'est bien quand on est enfant. Quand on grandit, on sait que la puissance de Dieu agit en nous. La grâce de Dieu agit en nous. Souvent, nous ne voulons pas, ou nous, les pasteurs ou les gens, évitent de dire ces choses. Mais c'est ça la vérité de la parole de Dieu. Je prends un autre exemple avant de commencer le message d'aujourd'hui. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Là, je suis en train de donner de la nourriture solide. Parce que maintenant, nous sommes des grands. Nous devons aider les gens à grandir. Je donne de la nourriture solide. Éphésiens 3, 20. Et vous allez comprendre comment je prie. Comment nous devons prier. La Bible dit, or à celui qui peut faire, il peut faire. Suivez bien ce que la Bible dit. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. La puissance agit en nous. Elle ne vient pas de Dieu, elle agit en nous. Donc en toi il y a une puissance. Mets là en action. Beaucoup de gens qui demandent de prier, non. Tu vas prier, tu seras malade, on va même t'enterrer quand tu seras malade. Et au ciel, Dieu va te dire, mais il y avait quelque chose en toi. Regardez comment Jésus priait. Seigneur, je te loue. Parce que tu m'exauces toujours. Il dit dans Luc chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est des choses que nous devons connaître. Les gens vont venir à Christ. Nous allons leur dire quoi? Si vous avez des problèmes, allez pleurer. Non. Non. Jean 1 dit ceci. Tout le monde connaît. Jean 1. Verset combien? 12. À ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Et l'a donné. Elle, c'est la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, c'est déjà un pouvoir. Lesquels sont nés? Non de la volonté de la chair. C'est ça, verset 13. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Donc quand il reçoit la parole de Dieu, à ceux qui l'ont reçu, s'il reçoit la parole de Dieu, il est né de Dieu. C'est fini, il est né de Dieu. Il n'est plus né des hommes. Il n'y a plus de volonté des hommes. Il a le pouvoir parce qu'il est né de Dieu. Jean 3:3. Regardez ce que la Bible dit. Jésus lui répondit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 6 du même Jean 3. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et naître de l'esprit, c'est recevoir la parole de Dieu. Et recevoir la parole de Dieu, c'est recevoir le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu dois l'exercer. Je veux briser notre façon de réfléchir. Nos traditions dans les églises. Dieu n'est pas 45e. Dieu n'est pas 30e. Dieu n'est pas 37e. Il est dans sa parole. Alléluia. Amen. Il est dans sa parole. Et condamné, y a neno lake. Dans les histoires de dire moi, ceci, non, c'est vos problèmes. Soyons assis sur la parole. Tu cales tout pas neno. Il y a un verset que j'aimais beaucoup quand je venais de me convertir. Wakatendi ameni lipenda. Andi komoya. 1 Jean 3. J'aimais beaucoup ce verset. 1 Jean 3. 1 Jean 3, hein. Yohana wa kwanza sura yake ya 3 kistari ya kusoma ya kwanza. 1 Jean 3 1 2 na ya pili. Vous même aller à 3. Il dit bien-aimé. Anasema voyez quel amour le Père nous a témoigné. Muone ni upendo kani baba aliweza kutufanya kwa kitu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il est tuitwe watoto ya Mungu. Wow. Et nous le sommes. Na tuko vile. Si le monde ne connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est l'amour que Dieu nous a témoigné. Vous pouvez lire ce verset à Jean 3:16. Si vous voulez. Qui est le verset le plus simple que tout le monde est censé connaître. Mais le verset 2 nous dit ceci. Bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant là, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Donc vous comprenez? Nous devons méditer la parole de Dieu. Je vous dis ces choses. On fait des années dans l'église sans une vraie connaissance de la parole de Dieu. On prie mal, on pense qu'on prie bien, on n'a pas la bonne connaissance. On a des problèmes et des problèmes et des problèmes. Le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Et la vie chrétienne a commencé. C'est avec la résurrection de Jésus-Christ. Pas avec la mort. Parce qu'il n'était pas ressuscité. Notre 1 Corinthiens 15, on n'a plus le temps de lire ces choses. En tout cas, même après la campagne, je vais commencer. Ce que je suis en train de dire ici, dimanche, j'ai ouvert la parenthèse. Maintenant, je comprends que je vais commencer à répéter ces choses. C'est pour notre bien. S'il n'y a pas de résurrection de mort, c'est que Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, donc nous faisons Dieu menteur, nous. Donc notre foi est vaine. Ça ne sert à rien. Mais si Christ est ressuscité, c'est que la mort a été vaincue. Or, la mort, c'était le plus grand ennemi. Or, qui peut le plus, peut le moins. S'il peut détruire la mort, il peut détruire toutes les autres choses. Quand vous allez voir quelqu'un avec peu de paroles, il a des résultats. Quelqu'un, il pleure. Mais la vie ne change pas. Donc ce ne sont pas nos larmes. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous convie de venir toujours assister aux enseignements. Et je vous bénis, vous qui êtes là ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? J'ai voulu introduire comme ça. Ça n'aide pas seulement les nouveaux, ça nous aide. Beaucoup de gens, nous ignorons certaines choses, on doit mettre l'accent. Tu peux servir Dieu, faire ceci, etc. Mais l'essentiel de la foi, tu l'ignores. Mais si tu connais ces choses, tu deviens inébranlable. Tu ne vas pas bouger. Telle église, telle église, non coulée, Abraham prophétisait. Jacob, Isaac, mais aujourd'hui nous tous nous disons les fils d'Abraham. Il était stable dans la foi. On appelle même le père de la foi. Paul, on l'a prophétisé. On lui a même dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, là où il part, il va mourir. Atafariki. Il ne sait pas. Il répond clairement. Anajibu tu. Je le sais. Et je continue ma marche avec lui. Ça, c'est la maturité. C'est pourquoi Paul écrit. En lisant ces choses, vous allez comprendre la connaissance que j'ai du mystère de Jésus-Christ que personne n'a eu bien avant. Ça, c'est Paul qui nous parle. Ok, nous préparons la campagne. Je vais lire deux versets. Et nous allons prier. J'ai un, deux, trois sujets de prière. Et tous les versets que j'ai donnés, toutes les paroles, ça va nous aider aussi dans nos sujets de prière. Premier verset d'aujourd'hui. Marc chapitre 3, verset 27. Marco sura ya kiatatu, shaili ya kusoma kumimbili na saba. Nous pouvons lire ensemble. Soma wote pamoja. Un, deux, go. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Wow. C'est qu'il y a un homme fort qui a gardé les biens dans une maison. Mais aussi, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre ce qui est dans la maison de cet homme fort. Cet homme, on l'appelle fort. On le connaissait fort. Et il est fort. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui veut entrer dans la maison de cet homme fort et récupérer les biens qui l'intéressent. Nous voulons entrer dans la maison de l'homme fort, dans la vie délicatie, et récupérer les armes, récupérer les biens qui nous intéressent, nous et Dieu. Même si cet homme on l'appelle homme fort, tout le monde avait peur de Goliath. Mais sauf qu'il ne lisait pas très bien ce que Goliath lui-même disait. Goliath lui-même disait, « Si je vous bats, vous serez nos esclaves. Mais si vous me battez, nous serons vos esclaves. » Les gens regardaient seulement si je vous bats. Ah, David a compris que non, il a dit aussi qu'il y a une possibilité. Nous pouvons le battre. Frères et sœurs, cet homme fort là, il y a la possibilité de le battre aussi aujourd'hui, de le battre aussi dans cette ville et récupérer tous les biens qu'il a gardés dans sa maison. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça la mission. C'est ça la mission. Avant de lire le deuxième verset, je vais lire un verset de transition. Luc chapitre 10, verset 1er. Luc 10, verset 1. Luc 10, 1er. Luc, verset 10, verset 1. Le Seigneur Jésus désignant 70, donc 70. Bwana Yesu akachakua watu makumi saba. Il les envoya deux à deux. Akawatuma wawili wawili. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il a été le cas Zaidi. Mais il les a envoyés où? Aliwatuma wapi? Dans les lieux où lui-même devait aller. Katika mahali mule yeye peke alipaswa kwenda. Donc là où Jésus devait aller. Anaka kule Yesu alipaswa kwenda. Comme il ne pouvait pas aller physiquement. Gisi akupaswa kwenda kubinafsi hivi kimwili mwili. Il dit OK, Micheline Albert, Monsieur Pamphile. Pana na chakula sasa fulani na fulani. Endeni. À mon nom. Quenda kwa jina langu. Parte. Endeni sasa. Et quand ils sont partis, dans la suite, lui, il est resté intercédé pour eux. Ils sont partis en son nom. C'est lui le coach. Si ça ne marche pas, c'est lui qui les a envoyés. Nous avons le privilège d'être physiquement à Likasi, là où Jésus devait être. Jésus n'a jamais été à Likasi, à la gare. Il est resté en Palestine. Mais là où il devait être, il nous envoie, nous, pour aller. Duende, quel privilège. Oh, de faïda, un, il y a le privilège. Deux, c'est qu'il est sûr que les 70 là vont faire l'affaire. Pourtant, ils vont dans le camp du diable. Il dit non, moi je ne sais pas aller là-bas. Tu peux aller là-bas. Comme tu dis, comme le papa dit, non, moi je ne sais pas aller là-bas. Non, mon cher, tu pars là-bas, tu signes les bulletins de mes enfants. Yes, baba, non, c'est là, il est sûr. Non, je ne sais pas aller prendre l'argent à la banque. Prends mon chèque, prends l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Chrétiens, comprenons ces choses. Et si nous comprenons ça, nous parlerons différemment devant les puissants de Dieu. Nous comprendrons différemment les choses. Nous servirons Dieu différemment. Sur ce fait compte, je prie qu'on ait une dimension telle que qu'on commence à servir Dieu différemment. Non, que c'est pleurnicher, c'est lamenter. Non. Là, ça ne concerne pas Dieu, ça me concerne moi. Les démons, allez partir. Tu es malade. Je ne vais pas te donner le Seigneur guéri. Non. C'est fini ces prières-là. Tu es malade. Moi, je t'ai guéri. Au nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que j'ai allé. Lève-toi. Pierre n'a pas dit non. Lève-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ce que nous voulons faire cette semaine. Non seulement cette semaine, désormais, source féconde, l'évangélisation c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Si nous faisons bien le travail, vous allez voir les vies vont nous changer. Les gens seront guéris, les gens seront bénis. Et il y aura une ouverture dans la vie. Oh, l'église sera changée. Si nous comprenons ce que nous faisons. Alors, le verset dont j'ai parlé, et puis on va prier maintenant. Acte chapitre 10, verset 38. 10:38. Donc, j'ai introduit pour atterrir sur ce verset. Et toute la semaine, nous parlerons tous ceux qui vont intervenir de ce verset. Maintenant, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. La Bible parle bien. Il a oint du Saint-Esprit et de force. Les choses commencent spirituellement. Le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit seul qui fait le travail. La parole a pris chair. Le Saint-Esprit a donné la force à Jésus-Christ. Jésus a commencé à faire le miracle à 30 ans. Quand il est né dans la crèche, les mages ont dit à Hérode, le roi est né. Est-ce que Jésus faisait des miracles? Non. D'ailleurs, devant Hérode, il a fui. Avec Joseph, ils sont partis en Égypte. Pourquoi ne faisait pas de miracles? C'est pour ça que méditons, lisons. lisons, relisons la parole. Quand est-ce que Jésus a commencé à faire les miracles? On ne va pas lire. Mais dans Luc chapitre 4, quand il a été baptisé, kisha kubatizwa, le Saint-Esprit est descendu. Na Roho ilishuka juu yake. La Bible dit que Jésus, rempli Saint-Esprit, il est parti dans le désert. Kisha kujazwa Roho Mtakatifu, alienda mujangwa. Et je pense que les autres versets de Luc au verset 11 ou quelque part là, na kumistari ingine yafuatayo tena, quand il a fini avec le diable, wakati alipatana na Satan, Jésus revêtu du Saint-Esprit est rentré en Galilée pour commencer les miracles. Yesu mwenye kufika na uwezo alirudia Galilée juu anje miujiza. Les 30 ans avant, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Miaka makumi tatu mbele akuifanya hivyo. Il n'y avait pas de force de miracle. Akukuya uwezo ya muujiza. Oui, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Yesu kisa kufika na uwezo na nguvu, retourna en Galilée. Alirudia Galilée. Sa renommée se répandit. Na kavumu yake ilizambalala. Le Saint-Esprit. Rome utakatifu. On en a besoin. Tunamuhitajia. Nous voulons nous engager. Tunapenda tujichovye mkazi. C'est le travail spirituel. Hii ni kazi ya kiroho. C'est le Saint-Esprit. Ni Rome utakatifu. C'est pourquoi la Bible dit. Ndio maana Biblia inasema. Vous savez comment Dieu a ouvert du Saint-Esprit? Wone vile mpakala aliweka kumuvika na Rome utakatifu. Et de force. Na uwezo na nguvu. Jésus de Nazareth. Yesu Munazareti. Et puis on dit Jésus de Nazareth. Yesu Munazareti. On ne dit pas Jésus du ciel. Abaseme Yesu wa kumbingu. Lisons la parole de Nazareth. Nazareth ni mukini. Banasema Yesu Munazareti. Nazareth si bin ville. Si j'étais géographe ou géologue, c'est-à-dire que Nazareth, il y a ma coordonnée géographique. Il y a plan cadastral. Il y a titre ya mukini. Nazareth a un plan cadastral. Nazareth ni yoi un. Quand on voit que Nazareth, 2 km². Donc Jésus là, il était de Nazareth. On connaissait son avenue. On connaissait là où il habitait. Et c'est comme ça qu'on dit que c'est le fils de Joseph. Mais quand le Saint-Esprit est fait, il y a une force. Sur ce Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini lipitikana badani? Il commence à aller de lieu en lieu. Kaanza kwenda pa mahali ya kuachana. Il va de lieu en lieu. Anaenda pa mahali ya kuachana. Donc il se promenait. Anaanza kutembea. Il faisait quoi? Alikuwa anafanya nini? Du bien. Alikuwa anatembea na mema. Il faisait du bien. Alikuwa anatenda mema. Il guérissait. Alikuwa anatunza. Tous ceux qui étaient sous l'empire. Wale wote walikuwa chini ya mateka. L'empire du diable. Wote walikuwa chini ya mateka ya Shetani. On parle de l'empire. C'est-à-dire qu'il y avait une organisation diabolique qui bloquait les gens. Comme dans une maison. Or, nous voulons aller prendre les gens dans cette maison. Nous avons lu dans Marc 3:27 que nous devons prendre cet homme fort pour récupérer ce qu'il a dans sa vie. Première chose, nous avons besoin du Saint-Esprit. Besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour que nous, délicatie, de la source féconde, Moussonoï numéro 2. Moussonoï numéro 2. Nous sommes en mesure de faire ce travail-là. Deuxièmement, nous allons aller de lieu en lieu. Il y a des gens qui sont en train de partir de lieu en lieu. Il y en a qui étaient à Panda, Chituru, Toyota. Ils sont déjà partis, ils sont là-bas, ils sont là-bas, de lieu en lieu. Faisant du bien. Oh bien-aimé, c'est-à-dire s'il allait faire du bien, c'est que ces gens-là ont vécu longtemps. Temps, sans connaître le bien. Parfois, on ne sait même pas c'est quoi le bien. mema ni nini? Tu penses que c'est la nourriture, on donne la nourriture, tu penses que ce n'est pas ça. Wana upatia chakula, unasema haina chakula leta mema. Tu penses que c'est l'argent. Bengine wazene kama ni mambo ya fedha. On te donne l'argent. Banakupa fedha ile. Tu te donnes, ce n'est pas ça qui me fait. Ona kama haina naleta mema. OK, il y en a qui dit non, j'aimerais être directeur. Yes, napenda kuya mkurungezi. On te nomme directeur. Banakupatia cheo unakuwa mkurungezi. Tu préfères même ne pas être nommé directeur. Unaanza kutamania kama shukuya ta directeur. Parce que ta vie a littéralement changé. Maisha yako inabadilika. Mais finalement, le bien c'est quoi? Sasa mema ni nini? Le bien c'est ce qui te faut, c'est la parole de Dieu. Mema ni ile unaitajia, ce qui t'amène dans ta destinée. Ile nakupeleka kukifikio yako. Nous devons aller annoncer la parole de Dieu. Unapaswa kwenda kutangaza neno. Et guérir na kutunza tena tous ceux qui sont sous l'empire, sous l'organisation. Wale wote beko chini ya mateka. Ah OK, donc il y a un empire. Bah, manaye koko ufalme moyo fulani. Il y a un empire. Koko ufalme moyo fulani huko hako. Daniel a prié. Daniel aliweza kuomba. Et l'ange lui a dit. Na malaika alimwambia, dès que tu as commencé à prier, ta prière a été entendue. Tangia tu ulianza maombi yako ilisikilikwa kule. Mais le prince de Perse. Sasa mfalme huu wa Persi. On parle de Perse parce qu'il était dans le royaume des Perses. Alors, c'est un membre de Perse, parce qu'il nous parle de la Perse. Des Mèdes et des Perses, comme on a étudié. Les Mèdes et les Perses qui étudient fondent ma histoire comme un chôle. Donc, l'ange diabolique a porté le nom du royaume. Oyo, malaika ma shetani alibeba jina ya ufalme. Ça signifie que dans le monde des ténèbres, maana yake katika ulimwengu wa giza, il y a une principauté qui s'appelle Likasi. Unakuya utawala moyo inaitwa Likasi. Dans le monde des ténèbres, katika ulimwengu wa giza, il y a une principauté qui s'appelle gare centrale Likasi. Unakuya ufalme moyo inaitwa kama gare centrale ya Likasi. Mais nous devons arracher les âmes. Na sisi tunapaswa kwenda kuchukua manafsi kule. À cet homme fort. Kole mtu wa nguvu. Nous avons le plus fort. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. J'aime quand l'Esprit remplit quelqu'un. Et nous parlons de Gédéon cette année. On a lu ça, je crois, à la Pâque ou à la Pâque, non, Pentecôte. Je crois que c'est le thème qu'on a abordé, c'était Juge chapitre 6 verset 34. Gédéon, revêtu de l'esprit, il est parti de tous les hôtels de Baal. Yeye alijazwa na roho Gideoni, alienda kuharibu ma hotel de Baal yote. Regardez Samson. Muone na Samsoni. Quand il était rempli d'esprit, il était agité de part. Alijazwa na roho, alihangaika zaidi. Mais l'esprit ne peut pas laisser quelqu'un tranquille. Basi roho ya Bwana itaacha mtu huru hivi. Kimya. L'église. Kanisa. On se voit celui qui est rempli du Saint-Esprit. Unaweza kutambua vizuri nani anajazwa na Roho Mtakatifu. Pas quand il parle la langue, non. Haina paka anasema kwa lugha. Dans sa façon de travailler. Namna yake ya kutumika. Il sera pas tranquille. Hata kuya tu kimya hata kwa sala. Il est là à la maison de Dieu. Atenda kuchumba ya Mungu. Torsonner il veut torsonner. Kani ukoropa akoropa. Santé il veut santé. Uimba anaimba. Servir il veut servir. Kutumika anatumika. Il est là, il faut que les âmes soient gagnées. Eko pale certi ma nafsi inunuliwe. On dirait qu'il y a un feu qui brûle en lui. Ça kulunguswa moto ndani yake. Il y a un feu qui brûle. Eko na lungula ndani yake. Il dit non non non, je dois prêcher l'évangile. Sina pasta kuhubiri habari njema. Sinon un malheur va m'arriver. Kama pana ole itanipata. Qui lui a dit qu'un malheur va lui arriver? Nani mwambie sema atapatiwa na ole. Il sent c'est un feu. Eko na sikia ndani yake biko na waka. Il est là. Eko pa. Non non, je dois prier. Certi niombe tu. Sinon ça ne va pas. Kama pana biendeke. Mais quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Ule na roho ya Bwana. Kanisa barisema nini? Qu'est-ce qu'on a dit à l'église hier? Quel est le programme cette semaine? Et Joe Ville. Ah, c'est comme ça. Ah, mais ça coûte trop grand. Je suis fatigué, je vais dire que demain. Non. Pan. C'est quoi nous voulons prier? Tu répètes d'accord. Deux, trois sujets. Premier sujet. Kishine yetu ya kwanza ya malombi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Jaziwe na roho mtakatifu. Nous voulons que chacun prie que Dieu le remplisse. Kila mmoja wetu aombe na jaziwe na roho ya Mungu. Que Dieu te remplisse de l'esprit. Basi Mungu akujaze na roho yake. Et quand nous sommes remplis de l'esprit. Na kisha kujazwa na roho, nous allons prier maintenant. Tutaomba sasa. Comme on n'a plus beaucoup de temps. Kisha tuchukua wakati bure. Aujourd'hui j'ai introduit, j'ai dit que j'ai mis le décor. Nilipenda kufanya kwa kiingilio. J'ai mis le décor. Je mets les décors pour la suite. Ah, naonesha kuvitu gitsi bitapitakana badai. Nous allons prier. Tutaomba. Nous voulons être tous remplis de l'Esprit de Dieu. Takasizo tujaze na roho mtakatifu ya Mungu. Nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu. Tujaze na roho ya Mungu. Et après nous allons lier et piller l'homme fort. Kisha tutanasa na kwenda kupika nyara kwa ule mtu wa nguvu. Le prince de Likasi. Uyo falme wala mtawala wa Likasi doit libérer les âmes que Dieu a préparé pour cette. Nafsi ya Mungu ile alitayarisha. Le prince de la garde. Uyo mfalme wa kugari. Doit libérer les âmes. Anapaswa kuacha manafsi. Que Dieu a préparé. Ile Mungu alitayarisha. Nous allons arracher. Tende kupokonya vyote. Nous allons piller. Tutende kupika nyara. Tout ce qu'il a bloqué. Ile yote alibana. Frères et sœurs. Donc on a dit. Cette fois-ci. Kwa hii safari. Nous allons arracher. Tutende kupokonya tu kunyanganya. Desame ses âmes. Beba mikono yake ile manafsi yote. Pour que ces âmes connaissent la vérité. Ile manafsi yote tambue ukweli. Et qu'ils soient sauvés. Na wapate kuokolewa. Nous nous mettons debout. Kanisa mzima tusimame. Nous nous mettons debout. Tusimame wote. Nous nous mettons debout. Tusimame wote. Lève tes mains, le Saint-Esprit. Yanyola mikono yako tena. Nous voulons être remplis. Roho Mtakatifu napenda kujaza. Oui, il remplit, bien-aimé. Napenda kujaza mpendo. C'est pourquoi Jésus a dit dans Actes 1:8. Yo maana Yesu alisema tendo ya mitume. Attendez à Jérusalem. Ongoyeni pale Yerusalemu. Et soyez remplis. Na kisa mujaziwe. Du Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Oh bien-aimé, je voudrais que tu pries. Pendo nataka sasa upate kuomba. Dieu donne à celui qui demande. Mungu analeta kwa yule anayohitaji. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Bila Roho Mtakatifu hatutafanya kitu. Mais avec le Saint-Esprit. Sasa pamoja na Roho Mtakatifu. Tu peux tout faire. Tunaweza kufanya jambo lolote. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Bien-aimé, nous voulons prier. Pendo tunapenda kuomba. Que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Mungu akujaze na Roho Mtakatifu. Alors si tu parles en langue, tu vas parler en langue. Même si tu ne parles pas en langue, prie que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Parce que nous voulons entrer dans le camp où nous devons piller cet homme fort. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Oui, que Dieu te remplisse. Vous avez dit que soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Remplis tout. Je le dis dans les derniers jours. Alléluia. Dans les derniers jours. Oh, yes. Tu déverseras ton esprit sur toutes celles. Sur les vieillards. Sur les jeunes sangs. Oui, sur ton peuple. Ce matin. Bien-aimé, prie. Le Saint-Esprit est là. Thank you. Donnez-moi. Le travail est là. La mission est là. La mission est là. Remplis l'église. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Remplis l'église. Remplis l'église. Alléluia. Oui, maintenant nous voulons nous engager dans un combat spirituel. On va nous mettre Marc 3:27 qu'on a lu. Mais vous connaissez déjà, c'est même pas nécessaire, mais nous l'aimons quand même. Nous nous engageons dans le combat. Quel est notre combat maintenant? Nous allons arracher au prince de Likasi les âmes que Dieu a préparées pour être sauvées cette fois-ci. On ne peut plus laisser indéfiniment ces choses. Nous renversons le prince de Christ, nous arrachons les âmes. Nous renversons les principautés qui sont à la gare et nous arrachons les âmes. Et nous à la gare. Y a pas les pas gare. Et nous renversons les principautés qui sont ici autour de la source féconde et nous libérons cette église. J'ai mis trois choses par ordre. Le prince de l'Ikasi du monde des ténèbres doit tomber. Les principautés de la gare doivent tomber. Et les principautés autour des sources fréquentes. Kamatanda, Kampumpi, Joli Site, Toyota, et ici, ces principautés doivent tomber. Nous nous mettons debout. Nous n'avons que 5 minutes. Toute l'église, nous sommes debout. Bien-aimés. Il n'y a personne qui est malade. Nous sommes debout tous. Nous voulons entrer en guerre. On n'est pas gênés, on est debout. Lève ta main droite. C'est ma pamoja mon ami. Dis ce que le papa va dire. Mangaribi aleo. Mangaribi aleo. Katika tina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kupitia mamlaka niko nayo. Kupitia mamlaka niko nayo. Kupitia mamlaka niko nayo. Kupitia mamlaka niko nayo. Paske niko mtoto wa Mungu. Paske niko mtoto ya Mungu. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Mina kwa kuangusha. Na kuya kuangusha. Tuya kuarashe manafsi. Dieu quoi sema nafsi. Huyu prince des ténèbres wa mulikasi. Huyu prince des ténèbres wa mulikasi. Ima principauté ya pagar. Ima principauté ya pagar. Ima principauté ya pasusu fekonde. Ima principauté ya pasusu fekonde. Bila kubangusha bote. Na kuya kubangusha bote. Na kwa sema nafsi ya Mungu. Na kwa sema nafsi ya Mungu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier et arracher. Arrache les âmes ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'arrache les âmes. J'arrache les âmes des liens des ténèbres, du stress des ténèbres et des licassies. Les âmes que tu as préparées pour être guéries, pour recevoir le salut. Cette semaine, j'arrache les sangs des principautés de la gare que Dieu a préparé pour être sauvé. J'arrache les sangs place toutes les trônes que Dieu a préparées au nom de Jésus. Prie, prie, prie, prie. Arrache, arrache, arrache, arrache, arrache, arrache, arrache. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, oui, oui. Tu arraches bien, tu arraches bien, tu arraches bien. Oh, oh, Paco, oh, Paco, tu arraches bien, tu arraches bien, tu arraches bien. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Yes, yes. Kati kati la la yes, kati kati la la yes. Tu arraches bien, tu arraches, arrache encore, il en reste encore. Qui soit qui coula, il y en a qui soit à Panda, il y en a qui soit quatre missions, il y en a qui soit quatre sous, il y en a qui soit Kamatanda, il y en a qui soit la cité, à Jolici, à Kapoupi, j'arrache, c'est ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour toi-même, on va terminer par là. On nous met... s'il y a des trucs dans ma tête, là, c'est quoi? Romains, chapitre 4. Verset 17. Tu vas prier ça pour toi-même. Romains 4, 17. Il est notre Père devant celui il a cru. Dieu, Mungu, je suis là. Okay, je vois. Dieu, Mungu, qui donne la vie aux morts. Wow, il donne la vie aux morts. Il n'a pas posé la question est-ce que Mungu est à cause. Il n'a pas posé la question est-ce que le corps est déjà amorti, abîmé. Ni Marie ni Marthe, je vais expliquer ce moment à sa cause. C'est Marthe et Marie qui ont dit à Jésus qu'en tout cas, il sent déjà. Lazare à sa cause. Lazare sent déjà. Jésus n'a même pas demandé. Yes, à cause de ta coulisse. N'allez pas être ambiaque ni bini ni virose. Même aujourd'hui, on ne va pas dire qu'est-ce qui était pourri. On nous a jamais dit qu'est-ce qui était pourri. Mais Dieu. À qui le Yémon? Donne la vie aux morts. Kubaf. Nabia cause. Ce qui est même abîmé. Bila pata bujima. Ça, la vie. Alors, Ijuma. Courant cette semaine, j'aimerais un peu proclamer dans ta vie et dans ta maison qu'il n'y ait pas la mort et tout ce qui est pourri, que ça ait la vie pour que tu puisses travailler bien avec Dieu. Au nom de Jésus, tape les mains, lève ta voix, commence à déclarer. Déclare. C'est une prière de déclaration. Dieu, tu donnes la vie aux morts. Je déclare ce soir, dans ma vie, il n'y aura plus de mort. Il est bilios. Pour qui toi? Comme il coule au monde. Il n'a pas ta bouchima. Il n'a pas ta bouchima. Akuna qui t'a osé. De telles prières, il faut sceller. On a scellé. Tu dois sceller. Par Maïsha Yako. Sur ta vie. Nadia Manafs. Et pour les âmes. Tiens ton offrande. Ce n'est pas une offrande ordinaire. Dimanche, j'ai dit que c'est une adoration. Abraham. Munga na mambia mambo ya offrande. Dieu lui a dit concernant l'offrande. Mais il a dit à ses serviteurs que non, mais il n'y a pas de quoi boudou. Moi, je vais aller adorer. Dieu lui a dit, offre-moi ton fils. Abraham dit, nous allons adorer. Seigneur, nous voulons adorer. Et nous scellons nos prières. Que le prince des ténèbres de l'Ikasi est tombé. Que les principautés à la gare et dans nos églises sont tombées. 2025. Un nouvel élan pour nos églises. Et l'Ikasi libéré. C'est pourquoi nous scellons nos prières. Nous proclamons aussi la vie aux choses mortes. Donc, dans nos maisons, il n'y aura pas de mort. Personne ne va enterrer au dira cette semaine. Tout le monde fait compte à ta quoi mon gym en bonne santé. Durant ton boulot, Kati au nom de Jésus. Amen. Pendant que la chorale nous accompagne, la chorale nous accompagne. Alléluia. Nous scellons, nous prions. Un bon cantique. On peut louer le Seigneur maintenant. Il chante bien. Il faut l'encadrer, Père José, celui-ci.